vanité des vanités, et tout est vanité. Parole céleste. Qui saute dans même entrailles avec ou pour être bien héritier ou cause famille divisée. Si ou gagnons tête fait mal, c'est yo qui mène à l'hôpital depuis ou gagne santé. Chaque jour doit dire merci bon Dieu. Si ou voulez famille ou gagne unité. Pas quitter,